remuer ciel et terre pour te revoir. Oublier le passé, vivre avec toi. J'ai tant espéré, je ne peux renoncer. Vivre sans toi, je ne suis plus le même et j'ai bien trop de peine. Reviens vers moi.